quatre rois, quatre dames et quatre valets. Sans compter les chiffres qui sont sept. Le résultat de la partie est que le roi change de place. Ce qui était au midi va au nord. Ce qui était au levant va au couchant. Ça tourne. En torrent. Elle ne change pas de place, elles sont toujours là. Faites entre leur majesté. Le roi de France. Sa majesté la bêtise. Le roi d'Angleterre. Sa majesté l'orgueil. Le duc de Bourgogne. Sa majesté l'avarice. Et quel est le quatrième roi? Dans toutes les parties de cartes, il y a mort. La mort. Voici maintenant sa compagne et très fidèle épouse, celle qui partage son lit. Sa majesté la luxure. Le roi change de place, mais les reines. Sa majesté l'orgueil, sa majesté la bêtise, sa majesté l'avarice, sa majesté la luxure. Sa majesté ne change pas de place, elle reste toujours avec mais nous. Mais ce qui joue réellement la partie, ce ne sont pas les rois ni les reines, ce sont les valets. Faites entrer les valets. Sa grâce le duc de Bedford. Sa grandeur, Renaud de Chartres. Guillaume de Flavie. Celui qui a baissé la herse derrière moi à Compiègne. Et je commence, il comprend trois parties. J'ai gagné. Je veux dire que j'ai perdu. Deuxième partie. Carte maîtresse. Je coupe. Troisième partie. Messieurs,